Voici, en 55 minutes, une nouvelle d'Émile Zola, dans son intégralité, intitulée « La mort d'Olivier Bécaille », publiée en 1884. Enregistrement de Jean-Paul Alexis, juillet 2022.